Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'émission que vous allez entendre dans un instant est une espèce de retour sur Terre après un long voyage vers des mondes étranges. Mort et réincarnation, c'est le titre du dernier épisode d'une série de 5 nuits magnétiques consacrées à la magie et aux superstitions en 1979. On entendra donc parler dans cet épisode de vie antérieure et de passage dans l'autre monde, des thèmes toujours aussi intrigants que dans les 4 premiers épisodes. En fin d'émission, Laure Adler donne la parole à ses réalisateurs pour aborder avec eux leur démarche entre une forme de journalisme et d'enquête ethnographique. Pourquoi se sont-ils intéressés aux superstitions et quels problèmes concrets se sont posés pendant la réalisation de cette série d'émissions? Les exorcistes et les sorciers ne sont pas des témoins comme les autres à qui il suffirait de tendre un micro. Voici donc la suite et la fin de la série « Le troisième œil ». Nuit magnétique, bonsoir. Mademoiselle Sylvaine Charlet. Les morts, il y a toujours moyen de s'arranger. Un courant, même s'il est maléfique, on peut l'identifier, on peut travailler avec, etc., etc. C'est comme le jour où j'ai vu mon premier fantôme. Bien sûr, j'étais gamine, j'ai mis la tête sous les draps. Puis après, j'ai attendu ça avec impatience. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça vous est arrivé de souvent depuis ? Deux, trois fois. Disons une apparition dans un coin de pièce, immobile, de blanc. Et très sincèrement, je ne sais pas si c'est... quelqu'un qui a fait le grand voyage, ou bien si c'est le double d'un vivant qui se manifeste. Parce que, quand même, le problème est là. Sincèrement, je n'ai pas la réponse. Troisième œil, par Liliane Abinsour, Bruno Sourcy et Laurent Danon-Boileau. Ce soir, mort et réincarnation. Moi-même, à plusieurs reprises, je suis apparue au pied d'amis, au pied du lit d'amis. Et je n'en savais rien, j'en ai rien su tant qu'on ne m'a pas téléphoné pour me dire « Tiens, Sylvaine, tu m'as rendu visite cette nuit ». Là seulement, j'ai eu des flashs et j'ai pu décrire la chambre de la personne, alors que je ne la connaissais pas, bien sûr. Et cette personne m'a vue dans une robe qu'il ne me connaissait pas, et cette personne a pu me décrire. Alors j'ai dit, tiens, c'est quand même curieux, j'ai un double qui se promène la nuit sans mon avis, c'est quand même inquiétant. Et ce qui m'a donné quand même une interprétation des fantômes plus large, enfin une interprétation, une tentative, à savoir qu'on ne sait pas exactement d'où ça vient. Alors, j'en suis là, tout sincèrement, je n'ai pas la réponse. Et donc, il y a des chercheurs qui essayent, un petit peu comme moi, je dois l'avouer, d'éliminer tout au-delà, momentanément, par rigueur intellectuelle, pour voir ce qui reste. Et sans Dieu et sans diable, il se trouve que tout ça continue de marcher très bien. Alors, j'ai des inquiétudes sur une survie éventuelle. Entre nous, ça m'arrangerait un petit peu. Disons, je préférerais le repos plutôt que de remettre ça systématiquement tous les siècles ou tous les deux siècles. De toute façon, un tas de médiums communiquent entre eux assez régulièrement, comme ça ils s'envoient les uns les autres leurs doubles pour ramener les informations, et le matin ils prennent des notes. Enfin, je ne dis pas que c'est monnaie courante, mais enfin, j'ai quelques amis qui s'amusent à ça. Alors c'est inquiétant, imaginez, quand on dit que les loups-garous se promènent la nuit, que les vampires, etc., ça peut aller loin, ça se trouve. Qui sait, est-ce que vous êtes la nuit? Thank you. Lucie Desideri. La doyente d'aspettava tutta allegra al balcone, quando vide lo cavallo danzare sopra l'arcione, con la zella sanguinosa e la brilla stascinone. Poi venendo bello bonte, apparì una vumacciola. Tremblant, nous attendîmes. Le défilé fut long. Les spectres essayèrent de s'approcher du mur pour nous passer derrière et nous entourer. Mais nous nous y appuyâmes de toutes nos forces et leur montrâmes en même temps la pointe de nos stylets. Alors, courbant la tête, ils prirent le milieu de la route. Quelques-uns des morts quittèrent leur rang et vinrent nous offrir des objets qu'il nous fut impossible de reconnaître, couverts qu'ils étaient d'un morceau de linceul. Nous restâmes insensibles à leurs offres. D'autres nous présentèrent le cierge allumé qu'ils tenaient à la main. Nous refusâmes, et lorsqu'ils étaient trop pressants, nous les regardions en face, serrant les dents et montrant bien droite la pointe de nos stylets. Enfin, ils nous laissèrent tranquilles. Bien nous en prit, car ils n'avaient que des cadavres d'enfants à nous donner. Et les cierges qu'ils tenaient n'étaient que des ossements. Cette rencontre était pour nous de mauvais présages. Seulement, nous veillâmes jusqu'au chant du coq. Si nous nous fussions laissés surprendre par le sommeil, malheur à nous, quelques-uns des morts qui se tenaient en embuscade nous auraient infailliblement assommés. Enfin, le coq chanta et tout péril avait disparu. Le lendemain, mourut Jacques-Marie Ortoli. En Corse, les matsirs, ils sont des gens qui peuvent prédire la mort. Ils se dédoublent la nuit, ils partent en chasse. Alors, est-ce qu'ils partent en chasse en rêve ou est-ce que c'est leur double qui va chasser? Toujours est-il qu'ils s'éloignent du village, se postent dans le maquis, auprès d'une rivière, toujours auprès d'un point d'eau, et là ils abattent une bête sauvage. La plupart du temps, il s'agit d'un sanglier. Une fois que la bête est abattue, il la retourne et sur la hure du sanglier vient s'inscrire le visage de quelqu'un du village. Cette personne mourra dans 3 jours ou dans 1 an. En fait, la croyance au matser, il s'inscrit dans un ensemble plus général de croyances concernant la mort, croyances selon lesquelles la mort peut être prévue et prédite par certains individus bien particuliers. Il s'agit essentiellement des matsirs, et comme on l'a dit, mais aussi de gens qui sont susceptibles de faire certains rêves dits stramonegi en Corse, c'est-à-dire des rêves prémonitoires de mort. Je m'intéressais au matsérisme depuis assez longtemps et j'ai voulu commencer une enquête dans le nord de la Corse. J'ai été amenée, à partir de cette enquête, à recueillir des rêves prémonitoires de mort. Les gens, au départ, hésitaient à me les raconter en disant que c'était des bêtises, tout ça. Et sont ensuite entrés dans un système de confiance, d'abord parce que je suis corse moi-même, et ça a joué beaucoup. Ils ont pu s'exprimer dans leur langue et ils ont vite compris, après quelques discussions rapides, qu'il s'agissait là d'un véritable système qui fondait des valeurs corses dont ils vivaient encore, sur lesquelles ils vivaient encore. Et ils ont été amenés à me raconter leurs rêves tels qu'ils les ont vécu avec les émotions qu'ils avaient ressenties, les peurs, les angoisses. Et aujourd'hui encore, il m'expliquait comment, rien que de son souvenir, ils en avaient les sueurs froides. Et l'émotion que ressentaient les femmes racontant leurs rêves me traversait aussi, non pas parce que leurs rêves étaient émouvants, mais parce que ça faisait revenir en moi des choses auxquelles profondément je croyais. Et je m'en suis aperçue à ce moment-là. À tel point que lorsque certaines personnes me racontaient non plus leurs rêves, mais le rêve de d'autres femmes qu'elles avaient connues et que j'étais censée connaître, j'effectuais moi-même les rapports sous forme de croyance, j'y croyais, entre ce rêve et certains événements du village qui s'étaient produits. Je faisais coller le rêve et l'événement qu'il préfigurait, selon moi. Donc j'étais immédiatement prise dans ce système de croyance. Et les gens croient vraiment beaucoup, bien qu'ils le nient, aux rêves prémonitoires. Quand je suis allée chez Lélia F., je lui ai dit qu'on m'avait dit qu'elle avait fait des rêves prémonitoires de mort. Et elle m'a dit, oh mais... Oui, c'est vrai, mais enfin, tout ça, c'est des bêtises, tout ça, faut pas y croire, d'abord, elle a dit ça. Et puis, je lui ai dit, mais écoute, on va écouter celui de Rosine D, je vais te le faire entendre. Alors, elle a écouté un rêve de quelqu'un. Et à ce moment-là, elle a dit, ah, mais oui, mais oui. Mais alors, attends, il faut que j'appelle mes belles-sœurs, il faut que j'appelle ma fille... Parce que ces histoires de rêves, finalement, c'est très intéressant. Et puis, tu vas voir, je vais te raconter les miens. Et elle a accepté donc d'enregistrer ses rêves. Et les commentaires qu'elle fait après sont les suivants. Je ne rêve presque jamais, je ne crois pas aux rêves. Mais quand je rêve des morts, alors tu peux être sûr que ces rêves-là se réalisent. Et c'est pas n'importe quoi. Mademoiselle L, écrivain. On m'a raconté une histoire qui est la suivante. Elle m'a été racontée par quelqu'un qui m'est très proche, qui est le parrain d'un de mes frères, qui était un artiste, donc un être plutôt sensible. Et il m'a raconté que un jour, il était dans son atelier de céramiste, et tout à coup, il a vu en face de lui son père. Il s'est demandé ce qui se passait, il était tout à fait réveillé, il n'avait pas bu, il était parfaitement dans un état parfaitement normal. Il a vu son père en face de lui, qui lui souriait. Et sur le coup, il s'est demandé comment son père pouvait être entré dans l'atelier alors qu'il se trouvait à 500 km de là. Et puis, ça n'était pas une réalité, c'était une vision, ça a disparu, ça s'est, disons, volatilisé presque aussi vite que c'était apparu. Et il est resté très impressionné par cette vision. Et le lendemain ou le surlendemain, il a appris la mort de son père, qui s'était produite exactement au moment où il en avait eu la vision dans son atelier de céramiste. Quand une mort se produit, on peut supposer qu'effectivement, si le temps est différent de celui que nous connaissons, on peut supposer que l'esprit du mort reste un certain temps à tourner en rond ou à rendre des visites, faire ses adieux à certaines personnes. Et ça rejoint effectivement les croyances dans les fantômes ou dans l'errance d'âmes de désincarnés. Monsieur Dumas, spirit. Lorsque j'étais jeune, vers 14 ans, mes parents ont été surpris d'entendre un jour dans l'oreiller, la tête de leur lit, des coups. Ils ont regardé ce qui se passait, quel était le corps étranger qui pouvait bien être à l'origine de ces bruits. Les bruits ont changé d'oreiller et ont été à l'oreiller voisin. Puis, lorsqu'ils ont remué ce deuxième oreiller, il y a eu des coups dans le mur et ils ont été extrêmement frappés de cette manifestation, de ce phénomène, d'autant plus qu'ils ne s'occupaient absolument pas de ces problèmes de phénomènes paranormaux. Et moi-même non plus, bien entendu. C'est une personne à laquelle ils ont fait confidence de ces faits étranges et qui les a conseillés de fréquenter la Société d'études psychiques de Genève où nous habitions à l'époque. Et c'est ainsi que nous avons pris contact avec les recherches de ce genre. Lors de la première réunion où nous avons assisté, il s'est trouvé que ma mère, qui sans doute avait des facultés médiumniques, mais qui était restée ignorée jusqu'alors et pour cause, elle est tombée dans une sorte d'état dit de transe et a commencé à parler avec la voix avec une voix masculine, en s'adressant à une personne de l'assistance que, bien sûr, elle n'avait jamais vue, puisque c'était la première fois que nous fréquentions ce milieu, en donnant des détails comme venant du mari de cette personne, mari décédé, en employant des mots qui lui étaient familiers, des mots d'intimité, en quelque sorte, et qui ont vivement frappé la personne en question, et qui, bien entendu, ont également frappé ma mère et moi-même. De sorte que nous avons continué à nous occuper de ces questions, et que je n'ai jamais cessé depuis lors d'étudier, de poursuivre des investigations dans ce domaine, et ça fait donc plus de 50 ans que cette recherche personnelle s'est développée. Je dois dire que j'ai eu une manifestation assez curieuse qui venait d'un médium anglais et qui m'a écrit un jour me disant qu'on lui avait dit de me faire part de certains détails d'une communication, et cette communication faisait allusion à différents faits de ma famille, ou plus exactement de la famille de ma femme, car il y avait une liaison entre la personnalité qui se manifestait et un lien de parenté entre la personne qui se manifestait et ma femme. Et bien entendu, le médium, lui, ignorait complètement le rapport. Il me connaissait, mais il ignorait complètement que ma femme avait le moindre rapport de parenté avec le personnage qui se manifestait à lui. Et il y avait là des symboles, comme des cercles entrecroisés avec des lettres, des initiales, qui indiquaient précisément que deux familles étaient unies par des liens, voyez-vous, d'anneaux, en quelque sorte. Et ceci s'est donc passé après la mort de cette personne, qui était le cousin de ma femme, et cela apparaissait comme une tentative de preuve donnée par un médium anglais à Londres pour l'apporter à un chercheur français, voyez-vous. Mademoiselle L., écrivain. Une chose très étonnante, c'est l'opposition que peut rencontrer la croyance en la réincarnation dans notre société. Je connais une personne qui, par exemple, s'est beaucoup intéressée au problème de la réincarnation, a publié des choses sur la réincarnation, a été en contact avec les meilleurs chercheurs comme le docteur Girdam, qui est en Angleterre, ou le professeur Stevenson, qui est aux États-Unis, et dont le mari a profité de cela pour dire qu'elle était folle dans sa demande reconventionnelle de divorce. C'est dire jusqu'à quel point la réincarnation est une croyance qui rencontre l'opposition de la société telle qu'elle existe chez nous. Car en fait, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être musulman, catholique ou protestant, mais si tout à coup il s'intéresse à la réincarnation, on va en profiter pour dire qu'il est fou. Bon. Effectivement, il faudrait peut-être essayer de voir pourquoi. C'est très gênant. C'est très gênant parce qu'effectivement, la croyance en la réincarnation conduit à une certaine morale de la vie et que si on fait du mal à quelqu'un, si justement on va l'accuser d'être fou parce qu'il croit à la réincarnation et qu'on pense y croire un tout petit peu soi-même, on va se flanquer un sacré karma sur le dos dans l'existence suivante. Hein. Donc mieux vaut ne pas y croire, comme ça on est tranquille, on peut faire tout ce qu'on veut comme mal ou comme piller son voisin, assassiner sa grand-mère, etc. On ne sera pas puni autrement que par la loi ici, d'ici et maintenant. Alors que si on commet les mêmes actes en croyant à la réincarnation, ça devient extrêmement pénible, que de supposer que dans une existence prochaine, on va peut-être subir les mêmes choses que celles qu'on a fait subir à quelqu'un d'autre, ou on va tout simplement avoir d'énormes difficultés dans sa vie pour liquider cette dette, qu'on appelle une dette karmique. Bien. Alors, comme je le racontais tout à l'heure, deux des grands spécialistes sont le docteur Arthur Girdam, qui est en Angleterre, et le professeur Stevenson. Je suis moi-même la traductrice, avec Monsieur Semenov maintenant, du docteur Arthur Girdam, qui est un psychiatre britannique qui est maintenant à la retraite. Et j'ai eu la chance de découvrir son livre sur la réincarnation chez un de mes grands amis, l'écrivain Laurence Durel. Quand je suis tombée sur ce livre, je peux dire en plein pays Qatar, j'ai eu le coup de foudre, car j'ai trouvé que c'était bien la première fois qu'un médecin occidental osait s'accrocher à un tel problème et en discuter. J'ai eu, depuis donc la traduction de ce livre, Les cathares et la réincarnation, assez souvent l'occasion de rencontrer le docteur Guerdam en Angleterre ou à Paris ou dans le pays cathare quand j'habitais à Carcassonne. Et le docteur Guerdam, lui, croit parfaitement à la réincarnation, complètement, et je me rappellerai d'ailleurs toute ma vie, la tête qu'ont fait un photographe et un reporter d'un quotidien de cette région, lorsqu'ils ont posé la question suivante au docteur Guerdam: et vous, est-ce que vous pensez avoir des souvenirs de réincarnation? Le docteur Guerdam les a regardés avec un grand sourire, il a une tête de vénérable anglais, vous savez, presque avec les favoris blancs et joueur de golf et quand il était beaucoup plus jeune de rugby, et lui dire: oui, je me rappelle fort bien lorsque j'étais une esclave romaine, avec son accent anglais. La tête de ces deux journalistes était vraiment pleine de stupéfaction, et je me suis demandé s'ils allaient continuer l'interview ou s'enfuir de terre. Bien. Alors le docteur Guerdam, donc dans son livre Les cathares et la réincarnation, relate l'histoire d'une patiente venue le trouver car elle souffrait de crise d'épilepsie et elle avait des cauchemars récurrents et très violents. Le docteur Guerdam est un des grands spécialistes de l'épilepsie dans le monde anglophone, et lorsqu'il a reçu cette patiente, qu'il a examiné son dossier, l'électroencéphalogramme, etc., il a pensé qu'elle n'était absolument pas du tout victime de crise épileptique, et même pas épileptoïde. Il a pensé qu'il y avait autre chose. Mais quoi, sur le moment, il ne savait pas exactement. Cette patiente a commencé à lui raconter les cauchemars terribles qu'elle faisait, notamment elle avait la vision d'un homme qui se jetait sur elle et qui en poussant des grands cris, en disant qu'il avait assassiné une autre personne et qu'il boirait dans son crâne. Et tous ces personnages étaient revêtus de costumes du début du Moyen-Âge. Et chaque fois, elle avait tellement peur qu'elle poussait des hurlements qui réveillaient ses voisins. Bien, cette personne, donc cette patiente, rentre chez elle et quelque temps après, le rappelle et lui dit que ses cauchemars avaient complètement disparu. Grand apaisement. Une confiance, un climat de confiance se crée et elle continue de voir le docteur Guerdam de temps en temps. Et commence, la confiance s'installant, à lui confier qu'étant enfant, elle avait non seulement des cauchemars, mais elle avait aussi des clairaudiences qui lui permettaient d'écrire des poèmes en langue du XIIe siècle, XIIe-XIIIe siècle. Elle confie ses notes qui étaient inscrites sur ses cahiers, en marge de ses cahiers d'écolière, au docteur Guerdam. À ce moment-là, le docteur Guerdam commence littéralement à être assailli d'informations concernant le Languedoc et concernant la période historique de toute l'épopée cathare. Il se dit: tiens, c'est curieux, ce dont elle parle ressemble étrangement à des choses qui auraient pu se produire pendant cette période de l'histoire dans le Languedoc. Et ce qui est très curieux, c'est que ce poème que j'ai lu dans son cahier d'écolière ressemble étrangement à un autre poème que je viens de lire, qui est un poème de la, disons, de la poésie courtoise des troubadours de l'époque. Il continue de fouiller plus avant, et puis elle lui raconte que un autre personnage de ses rêves lui apparaissait vêtu d'une robe bleue foncée. Et il prend scrupuleusement note de tout cela, d'une manière tout à fait chronologique, c'est-à-dire qu'il note ce qui lui arrive à lui en même temps que ce qu'elle lui confie, ce que cette patiente appelée Mrs. Smith, comme Madame Dupont, si vous voulez, lui confie. Et il finit par se rendre en pays cathare, parcourir toute la région de Montpellier à Toulouse, et il découvre que les prêtres cathares, les parfaits cathares, étaient revêtus d'une robe bleue. Et ça, on l'ignorait totalement au moment où cette adolescente faisait ses rêves et avait ses états de clairaudience. Les registres de l'Inquisition n'avaient pas encore été dépouillés, c'est-à-dire pas traduits. Donc, le docteur Guirdam parle donc de cette patiente dans son livre, mais peu à peu, il s'est aperçu qu'autour de lui, d'autres personnes avaient d'autres souvenirs de la même époque, comme s'il s'agissait de la réincarnation d'un groupe de personnes ayant vécu 700 ans auparavant et se retrouvant en Angleterre, en France, au Canada et même aux États-Unis pour continuer peut-être une histoire ensemble. Monsieur Semenov. Je suis un ingénieur électricien, au surplus mathématicien, âgé de 79 ans, et je précise que pendant une durée de 45 ans environ, j'ai exercé une profession dite sérieuse, celle d'ingénieur, et je n'avais aucune attache avec les mouvements plus ou moins spiritualistes, tout en étant d'idées spiritualistes. Je n'ai changé de position que vers l'âge de 45 ans, à l'époque où j'ai rencontré en Algérie un monsieur qui était un artisan de la métropole. Moi-même, j'étais fixé depuis peu en Algérie, et cet artisan était venu en Algérie pour récupérer des factures, le montant de factures qui lui était dû aussi bien au Maroc qu'en Algérie et en Tunisie par des clients qui avaient profité des circonstances de guerre pour ne pas payer. Ce monsieur qui n'avait aucune apparence de mystique, je l'ai rencontré chez des amis de la banlieue d'Alger, qui s'intéressaient à l'astrologie comme moi d'ailleurs. Et nous avons causé avec ce monsieur qui ne pouvait plus repartir parce qu'il avait eu le malheur de débarquer en Afrique du Nord un mois avant l'arrivée des Américains. Il n'y avait plus de passage vers la métropole, il était donc bloqué à Alger. En causant avec lui, j'ai appris qu'il avait fréquenté en métropole le colonel Eugène Caslan, qui était un polytechnicien, un savant physicien, astrologue et ésotériste, pour lequel j'avais beaucoup d'admiration d'ailleurs, ce qui m'a mis en confiance avec ce monsieur que nous appellerons Philippe Vaillant, et qui m'a dit qu'il possédait des dons assez curieux. Ces dons étaient les suivants. Quand il regardait une personne, il voyait les organes intérieurs, on pouvait faire le tour visuellement de son corps et dessiner les organes dans l'état où ils étaient exactement. Cette faculté avait été utilisée, paraît-il, par des médecins de la métropole, d'Avignon en particulier, qui l'avaient utilisé comme on utiliserait un appareil de radioscopie. Et comme j'étais un petit peu étonné, peut-être même un peu sceptique, il me dit « Je vais bien commencer par vous ». Et il m'a examiné, il m'a décrit l'état de mon organisme en détail, et c'était rigoureusement conforme à des radioscopies que j'avais vues. Il m'a même expliqué que cet état intérieur lui paraissait dû, il avait un vague souvenir, que c'était dû à la chute d'une grosse pierre sur mon thorax. Mais à quelle époque, il n'en savait rien. Il m'a dit, nous allons fouiller ensemble. Et je peux vous dire que cette sensibilité et de votre système intestinal et de votre système cardiaque est due à cet incident qui est déjà peut-être assez vieux. Il ajouta, en plus de cette particularité de voyance des organes, que je reproduis bien parce que je suis bon dessinateur, il m'arrive quelquefois de voir des images. J'en avais parlé au colonel Caslan qui m'avait dit qu'il était intéressant justement de voir ces images, de les définir. Et effectivement, avec le professeur Caslan, avec le colonel Caslan, j'étais arrivé à voir des images de vie antérieure de différentes personnes. Et je me propose de faire la même chose avec vous, avec d'autres personnes qui se trouvent ici, pour vous donner des images, peut-être, de vos vies antérieures. Je l'ai donc écouté, et il est remonté dans les souvenirs me concernant, et concernant d'autres personnes présentes, à plusieurs vies antérieures, et il m'a donné en particulier les éléments de la dernière vie qu'il voyait en moi. C'est pourquoi, comme ça me concerne, je peux en parler librement. C'était une vie que j'aurais vécue, d'après lui, sous la Révolution. Il m'a indiqué le nom que je portais, il m'a indiqué la date approximative de ma naissance, et il m'a donné l'adresse aussi où j'aurais vécu à cette époque à Paris. Il m'a indiqué ceci. Le personnage dont je vous raconte en ce moment l'existence était né dans un petit pays de la Loire, fils de modeste commerçant. Il s'entendait très mal avec ses parents, ayant un caractère assez révolté et assez violent. Il s'était donc enfui vers l'âge de 18-19 ans, vers Paris. Il s'était installé dans le quartier de la Bastille, où il exerçait la profession d'écrivain public. En exerçant cette profession, il faisait toutes sortes de travaux, il faisait des petits poèmes de circonstances, il faisait même des horoscopes, paraît-il. Et il faisait aussi de la politique. Il était donc très militant dans un style qu'on appellerait aujourd'hui gauchiste, à telle enseigne qu'à un moment donné, peu avant la Révolution, et le voyant précise, je vous situe cette date parce que je vois encore la Bastille à l'emplacement qu'elle avait. Donc c'était avant la Révolution. Et au moment de la Révolution, un comité de salut public a désigné ce garçon, qui avait alors une trentaine d'années, pour siéger comme juré d'accusation à un tribunal révolutionnaire. Il s'est montré extrêmement violent, extrêmement incisif, et au moment de la chute de Robespierre, il a été obligé de s'enfuir. Il s'est enfui d'abord à Lyon, puis avec un autre groupe de gens qui étaient aussi l'objet de quelques rancunes politiques, il s'est enfui en Espagne. En Espagne, il n'a pas trouvé un havre à son goût. Avec ses compagnons, ils ont volé textuellement une balancelle et ils sont allés à travers la Méditerranée vers l'Oranie où ils ont débarqué, où ils ont vécu d'expédients pendant un certain temps. Et finalement, cette petite cohorte de fuyards, proposant des marchandises dans le sud de l'Oranie, a été massacré par des nomades sahariens, et c'est ainsi que s'est terminée cette existence-là. Le lien qu'elle offre avec mon existence actuelle, il faut vous dire aussi que j'ai cherché évidemment à vérifier tous les éléments qui m'avaient été fournis par le voyant. J'ai mis des années à le faire, parce que je ne savais pas où chercher. Un beau jour, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est aux archives de la rue Vieille du Temple, et qui m'a dit « Mais c'est chez nous que vous devez venir ». Et effectivement, en lui citant les noms, les adresses, etc., cette personne m'a sorti un dossier qui était, dans lequel j'ai trouvé le fameux procès-verbal de désignation du nommé Jean-François Crucière à la charge de juré d'accusation au tribunal révolutionnaire. L'adresse que m'avait donnée le voyant était également exacte. Tous les événements qui ont suivi étaient exacts aussi. La seule chose que, évidemment, que je n'ai pu vérifier, c'est l'histoire du Sud-Oranais avec le massacre par les nomades sahariens, parce que pour cela, il n'y a aucune trace possible. Mais enfin, cette existence-là était nettement identifiée et valable. D'autres indications qu'il m'a données par la suite sont également valables. Par exemple, il a fini par retrouver l'histoire de la pierre qui m'avait sensibilisé par l'écrasement du thorax. Cette histoire remonte, et c'est là que je rejoins le docteur Guerdam, dont je traduis actuellement un ouvrage, parce que l'entité qui m'a précédé à cette époque a été tuée au siège de Montségur par une pierre lancée par un pierrier qui était installé aux abords des murs de Montségur, et qui m'a frappé en pleine poitrine et qui m'a fait mourir après quelques heures de souffrance, au cours desquelles j'ai été soigné, paraît-il, par une guérisseuse cathare parfaite dont il ne m'a pas donné le nom, dont il a simplement donné la description en disant « Cette personne était une femme blonde avec des yeux bleus, dit-il, inoubliables. Je la vois encore en train de vous soigner alors que vous êtes en train d'agoniser derrière le rempart du fort. » Le docteur Guerdam, peu à peu, il s'est aperçu qu'autour de lui, d'autres personnes avaient d'autres souvenirs de la même époque, comme s'il s'agissait de la réincarnation d'un groupe de personnes ayant vécu 700 ans auparavant et se retrouvant en Angleterre, en France, au Canada et même aux États-Unis pour continuer peut-être une histoire ensemble. À l'occasion de ce que je viens de dire, pour la blessure de laquelle je serai mort à Montségur, je peux rattacher la chose au récit du docteur Guerdam, parce que le docteur Guerdam est assisté par une demoiselle qui serait, paraît-il, la réincarnation d'Esclarmonde de Perella, laquelle était au fort de Montségur, a été brûlée comme parfaite, et qui a soigné de très très nombreux blessés, car elle avait suivi un enseignement de guérison qui était très intense en pays cathare. Et je précise que le voyant, en parlant d'elle, avait dit, comme je crois l'avoir dit tout à l'heure, des yeux bleus extraordinaires, il avait parlé d'une claudicante aux cheveux blonds. Or, il se trouve qu'à l'époque, Esclarmonde de Perella, à laquelle je fais allusion, était en effet atteinte d'une arthrose de la hanche et boitait. Elle avait beaucoup de peine à se porter au secours des blessés. Ça, c'est un fait historique. Pour en revenir au rattachement entre ma vie de la Révolution française et ma vie actuelle, je peux citer le fait suivant. J'habitais, comme je vous l'ai dit, en Algérie, au moment où j'ai rencontré Philippe Vaillant. Et vers 1944, j'ai été victime d'un certain nombre de mesures politiques. Et je dirais même que j'ai été interné dans un camp du Sud-Oranais. Et quand j'étais dans ce camp, je peux raconter le fait suivant. J'ai fait l'objet d'une invitation de la population musulmane qui connaissait mes sentiments d'amitié, aussi bien pour les musulmans que pour les israélites, à participer à un méchoui nocturne. Et les gens qui m'ont transmis l'invitation, des gens de l'extérieur, n'étaient autres que c'est les gardes musulmans qui étaient chargés de garder les Français soupçonnés de mener une politique désagréable pour les gens d'Alger. Et ils m'ont aidé à passer le mur, à l'aller comme au retour, et j'ai été accueilli dans le village par des musulmans chaleureux et dans lesquels j'ai vu justement comme ça se passait à Mecheria, qui est dans le sud oranais, dans les lieux que le voyant m'avait décrit comme ayant été le siège de ma mort brutale, comme une sorte de geste d'apaisement des musulmans, inconscients probablement de leur part, mais cherchant à réparer le tort qu'avaient commis les Sahariens en 1794 ou 15, en me tuant avec mes camarades. Je pense que ces paroles sont peut-être surprenantes dans la bouche d'un physicien qui n'était pas disposé à l'origine à croire ni en la réincarnation, ni en des choses aussi complexes. Elles sont toutefois l'effet de l'évidence. Je ne peux pas nier, comme dans une expérience quelconque, je ne peux pas nier ce qui est vérifié, ce qui est véritable et véridique. Par conséquent, je leur attache une importance de crédibilité considérable. J'ajoute que mes propres théories sur la nature du temps confirment très exactement les possibilités pour un voyant d'accéder aux images que conserve notre subconscient des existences antérieures, parce que si l'on peut s'exprimer ainsi, lorsque on abolit en soi la notion d'espace qui elle seule conditionne le temps, on est réduit à la géométrie du point dans laquelle la succession est remplacée par une simultanéité. Par conséquent, on voit sur un certain plan des images, et si le voyant est doué ou a développé la faculté de voir l'intemporel, il voit ces images. Autrement dit, pour lui, le temps a implosé, car au fond, passer d'une forme d'existence temporelle à intemporelle, c'est comme si le temps implosait pour passer à l'intemporel et explosait pour passer au temporel. Il n'y a donc pas d'impossibilité physique aux yeux d'un mathématicien moderne dans le phénomène de la mort et de la survie, de la réincarnation et de la vie actuelle. Cette idée d'ailleurs, je l'exprime dans un livre que je viens de terminer, qui probablement paraîtra quelque part. Et elle se relie d'ailleurs au livre que j'ai traduit du docteur Girdam, lequel docteur Girdam est très fidèle à cette idée du temps, cette illusion. Et d'après lui, il explique parfaitement le phénomène de la réincarnation sous l'optique de la physique et de la mathématique moderne. Thank you. Mademoiselle L, écrivain. Un autre spécialiste de la réincarnation, est le professeur Ian Stevenson, qui est professeur à la faculté de médecine de l'université de Charlottesville, en Virginie, aux États-Unis. Alors, les cas de réincarnation étudiés par le professeur Stevenson sont, je dirais, peut-être encore beaucoup plus troublants que ceux du docteur Guerdam. Car ceux du docteur Guerdam plongent très loin dans l'histoire, sont d'une très très grande précision, mais sont quand même, disons, des souvenirs qui viennent de personnes relativement cultivées. Donc je reviens au professeur Stevenson, qui lui s'intéresse à des cas de réincarnation, surtout chez les enfants. Car il part du principe que les enfants n'ont pas encore eu le temps de lire et de développer et leur culture et leur imagination. Et il est allé en Inde, à Ceylan et dans diverses régions de l'Asie, pour essayer de contacter donc des enfants qui racontaient des choses. Et qui racontaient des choses de telle sorte que c'était pas des souvenirs, c'était encore très vivant dans leur conscience. Alors, par exemple, il raconte l'histoire de Shamlini, qui est une fillette de Sri Lanka, c'est-à-dire de Ceylan, qui avait toujours horriblement peur de l'eau. Et qui était toujours aussi terriblement effrayée par les autocars. Dès qu'elle voyait de l'eau et des autocars, elle se mettait à hurler, étant bébé. Puis quand elle a commencé à parler, vers l'âge de, disons, entre la fin de la première année et la deuxième année, elle a raconté à ses parents que dans une vie précédente, elle avait été obligée de reculer précipitamment devant un autocar qui roulait sur la route, et elle était tombée dans un champ inondé, et elle s'y était noyée. C'est l'un des 20 cas qui sont racontés, qui sont pas racontés, qui sont étudiés et présentés comme des cas cliniques par le professeur Stevenson dans son livre « 20 Cases Suggestive of Reincarnation » qui est publié par les presses de l'Université de Virginie. Quand le professeur Stevenson enquête sur un cas de réincarnation, il interroge, et c'est lui qui me l'a dit lors de son passage à Paris l'hiver dernier, il interroge systématiquement tout l'entourage de l'enfant, les parents, les amis des parents, les amis de l'enfant, les voisins, les instituteurs si l'enfant est scolarisé. Et puis, une fois qu'il a ramassé toute son information, toute sa documentation, il se rend dans le lieu de naissance d'origine de l'enfant, enfin, le lieu de naissance de l'incarnation précédente de l'enfant. Et il recommence le même interrogatoire systématique des parents, des amis, des voisins ou des gens avec qui ont travaillé la personne avant de mourir et de s'incarner à nouveau dans un enfant. Et ce qui est très très étonnant, c'est que il semble que la durée d'une incarnation à une autre soit extrêmement courte. Dans les cas du docteur Guerdam, il y a des périodes de 7 siècles ou des périodes d'un siècle et demi, puisque Guerdam parle d'un souvenir d'incarnation qu'il aurait eu pendant la période napoléonienne, donc ça fait un siècle et demi. Là, ce sont des périodes de 2 ans ou 3 ans. Il semblerait que, assez souvent d'ailleurs, il y ait aussi des morts violentes. Donc tout ça est en train d'être exploré. Thank you. Monsieur Semenov construit l'horoscope des vies successives. Une expérience qui m'a paru intéressante au cours des reconstitutions de vie que j'ai faites avec Philippe Vaillant était la suivante. Je me suis intéressé beaucoup dans ma vie et au côté mathématique de l'astrologie et j'étais arrivé à la conclusion que dans le cadre d'une existence terrestre, l'astrologie avait une très grande valeur. Je me suis donc demandé si des lois astrologiques inconnues pouvaient exister pour déclencher l'apparition des vies successives à des dates déterminées, par conséquent à des positions planétaires déterminées. Grâce aux efforts de Philippe Vaillant, qui avait beaucoup de mal pour y parvenir, parce qu'il est fort difficile de dater quand on voit des images se succéder rapidement, on était arrivé, en procédant par l'élimination des saisons, à arriver au résultat suivant. Toutes les existences qu'il m'avait relatées en ce qui me concerne au nombre de 5 avaient toutes eu lieu au mois d'août, avec une position solaire aux environs de 20 degrés du Lion, qui correspondent à peu près aux données actuelles. Nous avons vu également l'amorce d'un mouvement de ces naissances progressant dans les signes du zodiaque, suivant une spirale, ce qui laisse penser qu'il y a certainement une loi que je ne connais pas encore mais que j'étudie, qui peut permettre de chiffrer mathématiquement les possibilités de naissance au fur et à mesure du temps. Cette illusion, je le répète, mais enfin, le temps que le voyant voit sous une forme plate dans une géométrie du point, ces images ont tendance à évoluer le long d'une spirale et le long des signes du zodiaque. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. Voyance, guérisseurs et envoûtements, désenvoûtements et exorcismes, lieux et objets chargés, et ce soir, mort et réincarnation. Au cours de ces 5 émissions, il nous est apparu que notre parti pris de silence risquait d'apparaître comme une approbation sans réserve. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité exprimer notre point de vue. Laura Adler a bien voulu mener le débat. Vous pourrez l'écouter dans quelques instants. Thank you. troisième œil. Par Liliana Binsour, Bruno Sourcy et Laurent Danon-Boileau. Ce soir, mort et réincarnation. Liliana Binsour, Laurent Danon-Boileau, on vous a jamais entendu au cours de cette émission. Vous avez toujours demandé aux autres de parler, de ne jamais parler théoriquement ni d'expliquer quoi que ce soit, mais de parler d'eux-mêmes. Alors on peut peut-être vous demander maintenant pourquoi vous avez voulu faire cette émission, Liliana Binsour. Je pense qu'il faudrait peut-être partir de notre idée première, qui était en fait de faire un montage de textes et de textes littéraires. Moi, c'était en tant que littéraire que tout ce qui a trait aux apparitions, au diable, au somnambulisme, aux histoires de juifs errants, d'hommes condamnés à ne jamais mourir, m'intéressait. Et puis, progressivement, nous nous sommes posé la question, Laurent et moi, de savoir, au fond, ce qui se passait maintenant, à notre époque, dans la réalité quotidienne que nous vivons. C'est-à-dire que je crois que c'est trouvé posé, et pour nous, le problème du passage du plaisir qu'on trouve devant un texte littéraire, où on est dans cette espèce d'attitude de doute, où on croit sans croire, comme l'enfant à qui on raconte une histoire, qui dit, n'est-ce pas, c'est pas vrai, mais c'est vrai quand même, et ça existe, à quelque chose de beaucoup plus grave, peut-être, qui est ce qui se passe dans la vie courante, lorsque nous sommes confrontés avec des voyants, des médiums, des sorciers, des mages. Alors vous, Liliana Binsour, vous aviez déjà fait un texte sur la littérature dans le cahier Lerne consacré au romantisme noir, mais de là à voir des textes, les analyser, les commenter ou les publier, et de là à voir des gens qui vivent dans cet univers-là, j'imagine que ce n'est pas du tout la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose, parce que le plaisir du doute, enfin, tout ce qui pouvait entourer cette attitude « j'y crois, mais j'y crois pas », c'est complètement déplacé. En fait, pour moi, il me semble que la question « est-ce que j'y crois ou est-ce que je n'y crois pas ?», qui est celle que tout auditeur pourrait me poser, ne me paraît pas une bonne question. Enfin, je n'ai pas même la possibilité d'y répondre. Ou alors j'y répondrai platement en disant « j'y crois pas ». Mais en fait, ce qu'il me plaît, c'est de pouvoir jeter un regard nouveau sur ce qui nous est familier, de rendre le familier étrange. Alors, par exemple, dans ce qui s'est passé dans le déroulement des enregistrements, lorsque le prêtre nous a présenté des pierres matérialisées, j'ai eu un très grand plaisir à voir que des pierres pouvaient être autre chose, pouvaient être un accouchement, représenter un accouchement. Lorsque le sorcier nous dit « le couteau du sorcier, c'est l'opinel banal », j'aime penser, en voyant un opinel, ça pourrait être un couteau de sorcier. Bon, c'est cette dimension-là qui m'a le plus intéressée. Donc, ce n'est pas vraiment en termes de croyance, c'est en termes d'une vision, d'une transposition possible de la réalité quotidienne. Et vous, Laurent Danon-Boileau, vous êtes écrivain, mais vous n'avez jamais eu affaire, ni littérairement, aucun travail sur la sorcellerie. Non, absolument aucun. Je crois que c'est d'abord en discutant avec Liliane que l'idée a fait son chemin. Et ensuite, peut-être parce que, par expérience personnelle, j'avais eu affaire, et par tradition familiale, à la psychanalyse, que le problème s'est posé à moi. Au fur et à mesure des jours, j'ai eu le sentiment que il y avait quelque chose de commun entre ces deux éléments. D'ailleurs, je n'étais pas le premier à me poser cette question, je m'en suis aperçu après. Et finalement, ce que j'ai essayé de voir, c'est quelle pouvait être la différence entre les deux, et dans la représentation qu'on peut avoir traditionnellement dans un monde, de voir la sorcellerie comme une sorte de psychanalyse du pauvre, de voir ce qu'il y avait de commun et ce qu'il y avait de différent. Le plaisir que Liliane souligne, c'est évident que ça a été une base de départ extrêmement importante, mais au fur et à mesure, on s'est trouvé projeté par rapport dans un univers où les gens y croyaient tellement que c'était plus soutenable d'avoir cette attitude-là, qu'on ne la retrouvait que, si j'ose dire, dans le creux et au chaud dans la cabine. Quand on était avec les bandes, là, on avait, matérialisé leurs paroles sous forme de bandes magnétiques, et alors on pouvait avoir le jeu du montage, de tout ça, et je dois dire que c'était formidable parce que ça nous permettait de prendre une distance. Alors vous, Bruno Sourcy, est-ce qu'il vous est arrivé des choses étranges pendant ces enregistrements? Croire ou ne pas croire? Oui, moi, la question, c'est pas tout à fait posée comme ça. C'est surtout ce qui m'a frappé, c'est que des mots datés, anciens, comme sorcellerie, comme le mot sorcier, comme le mot mage, d'agide, les petites statuettes des sorciers, etc., qui paraissent des mots très anciens, à tel point, en milieu urbain et non plus à la campagne comme on pouvait le croire, c'est encore quelque chose d'extrêmement important, qu'à Paris on trouve des sorciers, qu'à Paris on trouve des mages, qu'à Paris on trouve des exorcistes, et qu'ils travaillent de la même manière, même si le vocabulaire a changé, que peut-être à peu de choses près qu'au XVIIIe siècle. Alors ils ont emmagasiné pour eux aussi le vocabulaire de la psychanalyse ou de la psychologie, mais en fait, ils se basent quand même à peu près sur les mêmes choses, et c'est extrêmement contemporain, c'est en milieu urbain à Paris en 1979. Et est-ce que vous avez été obligé, puisque nous parlions tout à l'heure de bandes magnétiques, de couper des gens que vous aviez été enregistrés? Ben oui et non, parce que à la fois le but c'était de faire parler les gens, et donc d'imposer le minimum de choses, et d'une part, et d'autre part, de non pas les faire parler en théorie, mais de les faire parler de leur pratique quotidienne et en fait de leur travail, puisque pour la plupart, ils font ça comme un travail. Et bon, on a quand même dû couper certaines choses, je crois qu'il y en a eu une particulièrement, qui était un guérisseur qui disait pouvoir, au moins dans certains cas, guérir la sclérose en plaques, et que de dire ça sur les ondes, même en disant on prend une distance, on prend pas en charge nous-mêmes ce qu'il dit, mais le fait de pouvoir laisser dire ça sur des ondes, c'était peut-être un peu dangereux, quand on sait que, pour l'instant en tout cas, cette maladie n'est pas guérissable. Et ça, c'est un truc qu'on était à deux doigts de laisser, enfin, c'est quelque chose qui est venu. On l'a coupé, c'est une phrase qu'on a coupée un quart d'heure avant la diffusion. Et alors, comment réagissez-vous maintenant aux réactions elles-mêmes des auditeurs, c'est-à-dire des gens qui téléphonent, des gens qui écrivent et des gens qui veulent connaître des noms, avoir des adresses? Là aussi, c'est un problème de déontologie, finalement. Oui, je crois que la première réaction, c'est une réaction de peur, hein, appelant les choses par leur nom. Pour moi, en tous les cas. À partir du moment où les gens ont entendu ça à la radio, ils ont le sentiment que c'est vrai, ils sont confortés dans une forme dans ce qu'ils pensent. Et à ce moment-là, ça peut les conduire à des conduites que moi, je ne souhaiterais pas que mes proches adoptent, par exemple. Je pense, imaginons un instant le cas d'un nourrisson qui serait dans une mauvaise posture. Le proposer aux soins d'un guérisseur plutôt que d'un médecin me paraît, je veux dire, quel que soit l'encouragement qui puisse y conduire, me paraît moralement condamnable. Donc c'est à ce moment-là que cette dimension d'esthétique qui nous avait protégés d'une certaine responsabilité morale, tout d'un coup, devant la réaction des auditeurs, on se trouve projeté. Alors ça ne veut pas dire du tout que je ne crois pas que les guérisseurs puissent être ne puissent pas être efficaces dans un certain nombre de cas. Je suis persuadé qu'ils peuvent l'être, hein, mais que ces cas-là sont en nombre limité, qu'il existe comme partout ailleurs de bons et de mauvais guérisseurs. Les bons guérisseurs, en gros, c'est ceux qui restent un certain temps avec leurs patients, qui prennent le temps de leur expliquer les choses, de discuter avec eux et qui croient vraiment à ce qu'ils font. Mais que, de toute façon, la guérison ne peut pas guérir tout et n'importe quoi, pas plus que l'exorcisme. Et c'est ce danger-là, si vous voulez, devant la violence des appels qu'on a reçus, impératif, dites-nous vite. Enfin, on a reçu même quand il nous est arrivé à Bruno, à moi, de faire d'autres émissions où on avait demandé effectivement aux gens de nous écrire. Ils nous ont écrit bien longtemps après, alors que là, c'était vraiment dans la journée même ou le lendemain, ce qui est absolument incroyable. Liliane Abinsour. Oui, moi, je crois aussi que devant ce choc en retour, enfin, qui montre le désarroi des gens et combien ils font appel à. Ils nous demandent à l'aide et combien ils y croient. Je crois que c'est pour ça qu'il était important aussi de préciser nos intentions de départ et de dire que nous n'avons à aucun moment eu le désir d'entrer dans ou d'affirmer ce que nous voyons comme l'illusion de la religion ou de la magie, et que effectivement nous voulions non pas apporter des réponses, mais simplement interroger, que chacun s'interroge sur ses peurs, sur ses angoisses et sur ses tentatives de trouver des réponses. Mais je ne crois pas que de notre côté, nous ayons voulu faire autre chose que de poser cette interrogation. Mais alors, ce qui est déroutant, c'est que nous avions, nous, une représentation du public de France Culture. En se disant, au fond, le public de France Culture, c'est des gens cultivés. Quand on va leur parler de magie, ça va les intéresser, mais ça va pas être... Est-ce que vous croyez que les gens cultivés ne croient pas non, à la magie? Non, je pense que c'est des gens qui ont... Bon, c'est vrai, je crois effectivement, quand on est passé par un certain nombre de trucs traditionnels, très souvent, statistiquement, je crois que oui. Bon, dans le courant des émissions, on est arrivé avec des gens qui avaient une culture qui est sûrement supérieure, en tout cas à la mienne, Et qui continue à y croire. Mais je crois que c'est en gros, il y a quand même une différence. Je veux dire, même chez ces gens-là, quand ils y croient pas de la même façon. Ils ont une possibilité de recul. Ils ont un double statut. D'un côté, ils sont théoriciens et alors. Et d'un autre côté, ils y croient et alors. Je veux dire, c'est les deux, ils tiennent les deux à la fois, ils sont toujours dans l'entre-deux. Et ça, je crois que Jeanne Favre l'a très très bien dit, hein. Mais si vous voulez, cette dimension de recul existe. Alors que chez les gens qui nous ont appelés, de toute évidence, cette dimension-là n'existe pas. Hein? Alors nous avons parlé tout à l'heure de Monseigneur Augusti, qui manifestement a eu beaucoup de succès, qui est désenvoûteur officiel de l'Église apostolique non romaine, c'est bien cela? Oui, absolument. Mais vous n'avez pas eu de désenvoûteur officiel de l'Église? De l'Église catholique apostolique? Catholique apostolique romaine. D'accord, non. Car le diocèse de Paris s'est opposé au fait que nous voyions... le père Gesselin, qui est exorciste pour le diocèse de Paris, de l'Église catholique, apostolique et romaine. La raison qui nous a été donnée était qu'on craignait que les gens dont il pouvait parler se reconnaissent. Donc nous n'avons pu parler qu'au père Meuillet, qui lui est chargé des relations avec la presse. C'est donc lui qui nous a parlé, c'est avec lui qu'on a discuté. Quant à Monseigneur Augusti, il n'appartient pas à la hiérarchie romaine. Bruno Sourcy, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez étonné de voir tant de sorciers, de désenvoûteurs dans Paris. Est-ce que vous avez eu d'autres étonnements? J'ai eu un autre étonnement qui est d'ailleurs du même niveau. Donc d'un côté, il y a les professionnels, si on peut dire, puis de l'autre côté, il y a les clients. Et ce qui était aussi très frappant chez tous les gens qu'on a rencontrés, donc en tant que consultants ou patients ou clients, on peut appeler ça comme on veut, aussi bien chez les voyants, les voyantes, les mages, les guérisseurs... les exorcistes, etc., c'est que c'est pas du tout le milieu culturel auquel on pourrait... milieu culturel et milieu social auquel on pourrait s'attendre. C'est-à-dire ce sont très souvent des gens qui, par ailleurs, pourraient... Enfin, je sais pas comment m'exprimer à ce niveau-là, mais qui sont tout à fait capables d'avoir un esprit critique, d'avoir une position de recul, etc., et que dans ces cas-là, ils ne l'ont pas vraiment. C'est-à-dire... Il le théorise un peu comme pour se justifier, mais la plupart des gens sont d'un niveau culturel et social plutôt élevé. Liliane Abinsou. Non, ce que je pense, alors, pour en revenir à ce problème de la croyance, il me semble que justement, ça renvoie finalement à ce qu'on pourrait très simplement dire à la psychologie de chacun, et que c'est surtout, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, c'est surtout des rapports de toute puissance du côté des professionnels peut-être, et soit d'agressivité quand on va voir un sorcier, ou soit de soumission quand on va voir un guérisseur. C'est ces rapports-là qui m'ont beaucoup frappé, et ces rapports-là effectivement échappent à tout milieu culturel. Enfin, je crois que c'est ce qui est le plus fondamental chez chacun des clients qui vient consulter. Alors, croire ou ne pas croire, Laurent Danon-Boileau, vous acceptez cette alternative? Non. Oui, s'il s'agit de prendre une responsabilité par rapport à d'autres gens, je crois. Hein? Pour moi, effectivement, je veux dire, c'est un problème qui ne regarde que moi, mais dans la mesure où c'est quelque chose qui effectivement, on l'a vu, a eu un effet immédiat, je crois que c'est quand même important aussi de se situer par rapport à ça. Ça ne veut pas du tout dire que je rejette les croyances que moi-même je peux avoir. Je suis tout à fait capable ou susceptible d'avoir le même type de croyances. Mais je crois que j'ai l'impression peut-être de savoir à partir de quel moment, en gros, j'aurais recours... à un médecin, et à partir de quel moment j'aurai recours à un guérisseur. Au fond, c'est plutôt ça. Hein? Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très difficile, et que peut-être, il y a un doute qui peut gagner de proche en proche, jusqu'à finalement rejeter la façon médicale de voir les choses. En fait, moi, je dirais que c'est pas vraiment au niveau de croire ou pas croire, mais il y a une chose qui nous a frappé tous les trois dès les premiers jours d'enregistrement, il y a quand même assez longtemps, et qui nous est restée à peu près jusqu'au bout, c'est que la plupart des gens qu'on a rencontrés, du point de vue des mages, des voyants et des exorcistes, etc., sont rarement des gens neutres. Souvent, on est quand même ressorti, chez plusieurs personnes, un peu troublés. Non pas troublés par la goutte d'huile de Monseigneur Augusti ou par le jeu de cartes d'une voyante, mais troublé par sa façon de penser, par sa façon de percevoir très vite les gens, d'avoir un sens aigu des relations qu'ils peuvent avoir avec les autres. Oui, ça c'est absolument vrai. Oui, je crois que c'est effectivement, et c'est au fond là qu'on a été ébranlé. C'est dans une certaine forme d'intuition, une certaine forme de sensibilité qu'on percevait chez certaines personnes, et on sentait comment ça pouvait effectivement avoir une résonance chez les gens qui venaient consulter. Et c'est pour ça, dans l'émission de mercredi, quand je disais qu'après que Monseigneur Augustin m'a dit que j'étais envoûté, et, bon, et puis après qu'il m'ait parlé de choses diverses de ma vie et qu'il y a effectivement des choses exactes dedans, quand j'ai dit en fait je veux rien en conclure et je ne peux rien en conclure, c'était pas une position de repli ou de ne pas vouloir se prononcer, c'est que lui pense qu'il sait ces choses-là par tel moyen et moi je pense qu'il les connaît par d'autres moyens et que donc effectivement il n'y a rien à conclure de sa pratique. Sinon, il y a quelque chose d'intéressant, mais ça ne va pas plus loin. On ne peut pas en conclure ni à la magie, ni à la croyance en Dieu ou en diable. Je suis aveugle, on me plaint, et moi je plains tout le monde. Mes deux yeux ne sont plus pleins, car ils ont perdu leur bombe. Dans un malheur comme le mien, tu t'en moques. La chandelle ne vaut rien. Je me lève dès le matin, je m'en vais de village en village. L'un me donne un bout de pain, l'autre un morceau de fromage. Quelquefois par hasard, tu t'en moques. Un petit morceau de là. Je me moque du mercier et de toutes ses cassettes. Je n'use point de papier, encore moins de lunettes. J'ai pour peigne mes 10 doigts, tu t'en moques. Mes 2 manches pour mouchoir. J'ai mon chien et mon bâton, mes 2 compagnons fidèles. L'un me mène à tâtons, l'autre au bout d'une ficelle. N'aimeriez-vous pas bien mieux, tu t'en moques. Cette guide que des yeux. Si jamais me venait un fils dans cette agréable ville, je prierais bien le bon Dieu, aussi la Vierge Marie. Crève les 2 yeux, tendu, tendu dans mon cœur pour en faire un vieux lune. Malicorne, le luneux. Daniel Bizien, Christian Rose, Laure Adler, Liliane Abinsour, Bruno Sourcy, Laurent Danon-Boileau. Bonsoir. L'émission que vous venez d'entendre est le dernier épisode d'une série de 5, première diffusion sur France Culture le 14 décembre 1979. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne et la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.